Première partie, Fantine. Livre troisième, en l'année 1817. Chapitre 1, l'année 1817. Est l'année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la 22e de son règne. C'est l'année où M. Bruguière de Sorsum était célèbre. Toutes les boutiques des perruquiers, espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal, était badigeonné d'azur et fleurdelysée. C'était le temps candide où le comte Lynch siégeait tous les dimanches comme marguillier au banc d'œuvre de Saint-Germain-des-Prés, en habit de pair de France, avec son cordon rouge et son long nez, et cette majesté de profil particulière à un homme qui a fait une action d'éclat. L'action d'éclat commise par M. Lynch était ceci. Avoir, étant maire de Bordeaux, le 12 mars 1814, donné la ville un peu trop tôt à monsieur le duc d'Angoulême. De là, ça périt. En 1817, la mode engloutissait les petits garçons de 4 à 6 ans sous de vastes casquettes en cuir maroquinées à hauts rayons, assez ressemblantes à des mitres d'Esquimaux. L'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne. Les régiments s'appelaient légions. Au lieu de chiffres, ils portaient les noms des départements. Napoléon était à Sainte-Hélène, et comme l'Angleterre lui refusait du drap vert, il faisait retourner ses vieux habits. En 1817, Pellegrini chantait, Mademoiselle Bigottini dansait, Potier régnait, Audry n'existait pas encore. Madame Sacchi succédait à Forioso. Il y avait encore des Prussiens en France. Monsieur Delalot était un personnage. La légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing, puis la tête, à Plénier, à Carbonneau et à Tolleron. Le prince de Talleyrand, grand chambellan, et l'abbé Louis, ministre des lignées des finances, se regardaient en riant du rire de deux augures. Tous deux avaient célébré, le 14 juillet 1790, la messe de la Fédération au Champ de Mars. Talleyrand l'avait dite comme évêque, Louis l'avait servi comme diacre. En 1817, dans les contre-allées de ce même Champ de Mars, on apercevait de gros cylindres de bois gisant sous la pluie, pourrissant dans l'herbe, peints en bleu avec des traces d'aigles et d'abeilles dédorées. C'étaient les colonnes qui, 2 ans auparavant, avaient soutenu l'estrade de l'empereur au Champ de Mai. Elles étaient noircies çà et là de la brûlure du bivouac des Autrichiens baraqués près du Gros Caillou. 2 ou 3 de ces colonnes avaient disparu dans les feux de ces bivouacs et avaient chauffé les larges mains des caïs erliques. Le Champ de Mai avait eu cela de remarquable qu'il avait été tenu au mois de juin et au Champ de Mars. En cette année 1817, 2 choses étaient populaires. Le Voltaire Touquet et la tabatière à la Charte. L'émotion parisienne la plus récente était le crime de Dautun, qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs. On commençait à faire au ministère de la Marine une enquête sur cette fatale frégate de la Méduse qui devait couvrir de honte Chaumarex et de gloire Géricault. Le colonel Selve allait en Égypte pour y devenir Soliman Pacha. Le palais des Thermes, rue de la Harpe, servait de boutique à un tonnelier. On voyait encore sur la plateforme de la tour octogone de l'hôtel de Cluny la petite logette en planche qui avait servi d'observatoire à Messier, astronome de la marine sous Louis XVI. la duchesse de Duras lisait à trois ou quatre amis dans son boudoir meublé d'X en satin bleu, Ourika inédite. On grattait les N au Louvre, le pont d'Austerlitz abdiquait et s'intitulait « Pont du Jardin du Roi ». Double énigme qui déguisait à la fois le pont d'Austerlitz et le Jardin des Plantes. Louis XVIII, préoccupé, tout en annotant du coin de l'ongle Horace, des héros qui se font empereurs et des sabotiers qui se font dauphins, avait deux soucis, Napoléon et Mathurin Bruneau. L'Académie française donnait pour sujet de prix le bonheur que procure l'étude. Monsieur Bellart était officiellement éloquent. On voyait germer à son ombre ce futur avocat général de Broé, promis au sarcasme de Paul-Louis Courier. Il y avait un faux Chateaubriand appelé Marcangy, en attendant qu'il y eût un faux Marcangy appelé d'Arlincourt. Claire d'Albe et Malek Adel étaient des chefs-d'œuvre. Madame Cottin était déclarée le premier écrivain de l'époque. L'Institut laissait rayer de sa liste l'académicien Napoléon Bonaparte. Une ordonnance royale érigeait Angoulême en école de marine, car, le duc d'Angoulême étant grand amiral, il était évident que la ville d'Angoulême avait de droit toutes les qualités d'un port de mer, sans quoi le principe monarchique eût été entamé. On agitait en Conseil des ministres la question de savoir si l'on devait tolérer les vignettes représentant des voltiges qui assaisonnaient les affiches de Franconi et qui attroupaient les polissons des rues. Monsieur Paer, auteur de L'Agnese, bonhomme à la face carrée qui avait une verrue sur la joue, dirigeait les petits concerts intimes de la marquise de Sassenaille, rue de la Ville-l'Évêque. Toutes les jeunes filles chantaient l'ermite de Saint-Avel, parole d'Edmond Géraud. Le nain jaune se transformait en miroir. Le café Lamblin tenait pour l'empereur contre le café Valois qui tenait pour les Bourbons. On venait de marier à une princesse de Sicile, monsieur le duc de Berry, déjà regardé du fond de l'ombre par Louvel. Il y avait un an que madame de Staël était morte. Les gardes du corps sifflaient mademoiselle Mars. Les grands journaux étaient tout petits. Le format était restreint, mais la liberté était grande. Le constitutionnel était constitutionnel. La Minerve appelait Chateaubriand Chateaubriand. Ce T faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain. Dans des journaux vendus, des journalistes prostitués insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Arnaud n'avait plus d'esprit, Carnot n'avait plus de probité, Soult n'avait gagné aucune bataille. Il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie. Personne n'ignore qu'il est assez rare que les lettres adressées par la poste à un exilé lui parviennent, les polices se faisant un religieux devoir de les intercepter. Le fait n'est point nouveau. Descartes, banni, s'en plaignait. Or, David ayant, dans un journal belge, montré quelque humeur de ne pas recevoir les lettres qu'on lui écrivait, ceci paraissait plaisant aux feuilles royalistes qui bafouillaient à cette occasion le proscrit. Dire les régicides ou dire les votants, dire les ennemis ou dire les alliés, dire Napoléon ou dire Buonaparte. Cela séparait deux hommes plus qu'un abîme. Tous les gens de bon sens convenaient que l'ère des révolutions était à jamais fermée par le roi Louis XVIII, surnommé l'immortel auteur de la charte. Au terre-plein du Pont-Neuf, on sculptait le mot « Rédivirus » sur le piédestal qui attendait la statue de Henri IV. Monsieur Pied ébauchait, rue Thérèse, numéro 4, son conciliabule pour consolider la monarchie. Les chefs de la droite disaient dans les conjonctures graves il faut écrire à Baco. Messieurs Canuel, ô Mahony et des Chapdelaine, esquissaient, un peu approuvé de monsieur, ce qui devait être plus tard la conspiration du bord de l'eau. L'épingle noire complotait de son côté. De la Verderie s'abouchait avec Trogoff. Monsieur Descases, esprit dans une certaine mesure libéral, dominait. Chateaubriand, debout tous les matins devant sa fenêtre du numéro 27 de la rue Saint-Dominique, en pantalon, à pied et en pantoufles, ses cheveux gris coiffés d'un madras, les yeux fixés sur un miroir, une trousse complète de chirurgien dentiste ouverte devant lui, se curait les dents, qu'il avait charmantes, tout en dictant des variantes de la monarchie selon la charte à M. Pilorge, son secrétaire. La critique faisant autorité préférait Lafont à Talma. M. de Fellette se signait A, M. Hoffmann signait Z. Charles Nodier écrivait Thérèse Aubert. Le divorce était aboli. Les lycées s'appelaient collèges. Les collégiens, ornés au collet d'une fleur de lys d'or, s'y gourmaient à propos du roi de Rome. La contre-police du château dénonçait à son Altesse royale, Madame le portrait, partout exposé de Monsieur le duc d'Orléans, lequel avait meilleure mine en uniforme de colonel général des Hussards que Monsieur le duc de Berry en uniforme de colonel général des Dragons. Grave inconvénient. La ville de Paris faisait redorer à ses frais le dôme des Invalides. Les hommes sérieux se demandaient ce que ferait, dans telle ou telle occasion, Monsieur de Trinquelague. Monsieur Clausel de Montal se séparait, sur divers points, de Monsieur Clausel de Coussergues. Monsieur de Salaberry n'était pas content. Le comédien Picard, qui était de l'Académie, dont le comédien Molière n'avait pu être, faisait jouer les deux Philibert à l'Odéon, sur le fronton duquel l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement « Théâtre de l'impératrice ». On prenait parti pour ou contre Cugnet de Montarlot. Fabvier était factieux, Bavoux était révolutionnaire. Le libraire Pélissier publiait une édition de Voltaire sous ce titre « Œuvre de Voltaire de l'Académie française ». Cela fait venir les acheteurs, disait cet éditeur naïf. L'opinion générale était que M. Charles Loyson serait le génie du siècle. L'envie commençait à le mordre, signe de gloire, et l'on faisait sur lui ce vers. Même quand Loyson vole, on sent qu'il a des pattes. Le cardinal Fesch refusant de se démettre, M. de Pin, archevêque d'Amasie, administrait le diocèse de Lyon. La querelle de la vallée des Dappes commençait entre la Suisse et la France par un mémoire du capitaine Dufour, depuis général. Saint-Simon ignorait, échafaudait son rêve sublime. Il y avait à l'Académie des sciences un Fourier célèbre que la postérité a oublié, et dans je ne sais quel grenier un Fourier obscur dont l'avenir se souviendra. Lord Byron commençait à poindre. Une note d'un poème de Millevoye l'annonçait à la France en ces termes. Un certain Lord Baron. David d'Angers s'essayait à pétrir le marbre. L'abbé Caron parlait avec éloge, en petit comité de séminaristes, dans le cul-de-sac des Feuillantines, d'un prêtre inconnu nommé Félicité Robert, qui a été plus tard l'amenait. Une chose qui fumait et clapotait sur la scène avec le bruit d'un chien qui nage allait et venait sous les fenêtres des Tuileries, du pont royal au pont Louis XV. C'était une mécanique, bonne à pas grand-chose, une espèce de joujou, une rêverie d'inventeur songe-creux, une utopie, un bateau à vapeur. Les Parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence. Monsieur de Vaublanc, réformateur de l'Institut par coup d'État, ordonnance et Fournet, auteurs distingués de plusieurs académiciens, après en avoir fait, ne pouvaient parvenir à l'être. Le faubourg Saint-Germain et le pavillon Marsan souhaitaient pour préfet de police M. Delavaux à cause de sa dévotion. Dupuytren et Récamier se prenaient de querelle à l'amphithéâtre de l'école de médecins et se menaçaient du poing à propos de la divinité de Jésus-Christ. Cuvier, un œil sur la Genèse et l'autre sur la nature, s'efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. Monsieur François de Neufchâteau, louable cultivateur de la mémoire de Parmentier, faisait mille efforts pour que « pomme de terre » fût prononcée « parmentière » et n'y réussissait point. L'abbé Grégoire, ancien évêque, ancien conventionnel, ancien sénateur, était passé dans la polémique royaliste à l'état d'infâme Grégoire. Cette locution que nous venons d'employer, « passé à l'état de », était dénoncé comme néologisme par M. Royer-Collard. On pouvait distinguer encore à sa blancheur, sous la troisième arche du pont d'Iéna, la pierre neuve avec laquelle, 2 ans auparavant, on avait bouché le trou de mine pratiqué par Blücher pour faire sauter le pont. La justice appelait à sa barre un homme qui, en voyant entrer le comte d'Artois à Notre-Dame, avait dit tout haut « Sapristi, je regrette le temps où je voyais Bonaparte et Talma entrer bras dessus au bal sauvage. » Propos séditieux, 6 mois de prison. Des traîtres se montraient déboutonnés. Des hommes qui avaient passé à l'ennemi la veille d'une bataille ne cachaient rien de la récompense et marchaient impudiquement en plein soleil dans le cynisme des richesses et des dignités. Des déserteurs de Ligny et des Quatre Bras, dans le débraillé de leur turpitude payée, étalaient leur dévouement monarchique tout nu, oubliant ce qui est écrit en Angleterre sur la muraille intérieure des water closets publics. « Please, adjust your dress before leaving. » Voilà, pêle-mêle, ce qui surnage confusément de l'année 1817, oublié aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement. L'infini l'envahirait. Pourtant, ces détails, qu'on appelle à tort petits, il n'y a ni petit fait dans l'humanité, ni petite feuille dans la végétation, sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. En cette année 1817, 4 jeunes Parisiens firent une bonne farce. Chapitre 2. Double quatuor. Ces Parisiens étaient l'un de Toulouse, l'autre de Limoges, le troisième de Cahors et le quatrième de Montauban. Mais ils étaient étudiants, et qui dit étudiant dit Parisien. Étudier à Paris, c'est naître à Paris. Ces jeunes gens étaient insignifiants. Tout le monde a vu ces figures-là. 4 échantillons du premier venu. Ni bon ni mauvais, ni savant ni ignorant, ni des génies ni des imbéciles. Beau de ce charmant avril qu'on appelle 20 ans. C'était 4 Oscars quelconques, car à cette époque, les Arthurs n'existaient pas encore. Brûlez pour lui les parfums d'Arabie! S'écriait la romance. Oscar s'avance, Oscar, je vais le voir. On sortait d'Ossian. L'élégance était scandinave et calédonienne. Le genre anglais pur ne devait prévaloir que plus tard. Et le premier des Arthurs, Wellington, venait à peine de gagner la bataille de Waterloo. Ces Oscars s'appelaient l'un Félix Tholomyès de Toulouse, l'autre, Listolier, de Cahors, l'autre, Fameuil, de Limoges, le dernier, Blachevel, de Montauban. Naturellement, chacun avait sa maîtresse. Blachevel aimait Favourite, ainsi nommée parce qu'elle était allée en Angleterre. Listolier adoré Dahlia, qui avait pris pour nom de guerre un nom de fleur. Fameux idolâtré Zéphine, abrégé de Joséphine. Tholomyès avait Fantine, dite la blonde, à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil. Favourite, Dahlia, Zéphine et Fantine étaient quatre ravissantes filles, parfumées et radieuses, encore un peu ouvrières, n'ayant pas tout à fait quitté leur aiguille, dérangées par les amourettes, mais ayant sur le visage un reste de la sérénité du travail, et dans l'âme cette fleur d'honnêteté qui dans la femme survit à la première chute. Il y avait une des quatre qu'on appelait la jeune parce qu'elle était la cadette, et une qu'on appelait la vieille. La vieille avait 23 ans. Pour ne rien celer, les trois premières étaient plus expérimentées, plus insouciantes et plus envolées dans le bruit de la vie que Fantine la blonde, qui en était à sa première illusion. Dahlia, Zéphine, et surtout Favourite, n'en auraient pu dire autant. Il y avait déjà plus d'un épisode à leur roman à peine commencé, et l'amoureux, qui s'appelait Adolphe au premier chapitre, se trouvait être Alphonse au second et Gustave au troisième. Pauvreté et coquetterie sont deux conseillères fatales. L'une gronde, l'autre flatte, et les belles filles du peuple les ont toutes les deux qui leur parlent bas à l'oreille, chacune de son côté. Ces âmes mal gardées écoutent, de là les chutes qu'elles font et les pierres qu'on leur jette. On les accable avec la splendeur de tout ce qui est immaculé et inaccessible. Hélas, si la Jungfrau avait faim. Favourite, ayant été en Angleterre, avait pour admiratrice Zéphine et Dahlia. Elle avait eu de très bonne heure un chez-soi. Son père était un vieux professeur de mathématiques, brutal et qui gasconnait, point marié, courant le cachet malgré l'âge. Ce professeur, étant jeune, avait vu un jour la robe d'une femme de chambre s'accrocher à un garde-cendre. Il était tombé amoureux de cet accident. Il en était résulté Favourite. Elle rencontrait de temps en temps son père, qui la saluait. Un matin, une vieille femme à l'air béguin était entrée chez elle et lui avait dit « Vous ne me connaissez pas, mademoiselle ?»« Non. »« Je suis ta mère. » Puis la vieille avait ouvert le buffet, bu et mangé, fait apporter un matelas qu'elle avait et s'était installée. Cette mère, grognon et dévote, ne parlait jamais à Favourite, restait des heures sans souffler mot, déjeunait, dînait et soupait comme quatre, et descendait faire salon chez le portier où elle disait du mal de sa fille. Ce qui avait entraîné Dahlia vers l'estelier, vers d'autres peut-être, vers l'oisiveté, c'était d'avoir de trop jolis ongles roses. Comment faire travailler ces ongles-là? Qui veut rester vertueuse ne doit pas avoir pitié de ses mains. Quant à Zéphine, elle avait conquis Fameuil par sa petite manière mutine et caressante de dire « Oui, monsieur ». Les jeunes gens étant camarades, les jeunes filles étaient amies. Ces amours-là sont toujours doublés de ces amitiés-là. Sage et philosophe, c'est deux. Et ce qui le prouve, c'est que, toute réserve faite sur ces petits ménages irréguliers, Favourite, Zéphine et Dahlia étaient des filles philosophes, et Fantine, une fille sage. Sage, dira-t-on, et Tholomyès. Salomon répondrait que l'amour fait partie de la sagesse. Nous nous bornons à dire que l'amour de Fantine était un premier amour, un amour unique, un amour fidèle. Elle était la seule des quatre qui ne fut tutoyée que par un seul. Fantine était un de ces êtres comme il en est clos, pour ainsi dire, au fond du peuple. sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. De quels parents? Qui pourrait le dire? On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine? On ne lui avait jamais connu d'autre nom. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore. Point de nom de famille, elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra, toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. À 10 ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs. À 15 ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde avec de belles dents. Elle avait de l'or et des perles pour dot. Mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travailla pour vivre, puis, toujours pour vivre, car le cœur a sa faim aussi, elle aima. Elle aima Tholomyès. Amourette pour lui, passion pour elle. Les rues du quartier latin, qu'emplit le fourmillement des étudiants et des grisettes, virent le commencement de ce songe. Fantine, dans ses dédales de la colline du Panthéon, où tant d'aventures se nouent et se dénouent, avait fui longtemps Tholomyès, mais de façon à le rencontrer toujours. Il y a une manière d'éviter qui ressemble à chercher. Bref, l'églogue eut lieu. Blachevelle, Listolier et Fameuil formaient une sorte de groupe dont Tholomyès était la tête. C'était lui qui avait l'esprit. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. Il avait 4 000 francs de rente. 4 000 francs de rente. Splendide scandale sur la montagne Sainte-Geneviève. Tholomyès était un viveur de 30 ans, mal conservé. Il était ridé et édenté. Et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même sans tristesse « Crâne à 30 ans, genou à 40 ». Il digérait médiocrement, et il lui était venu un larmoiement à un œil. Mais à mesure que sa jeunesse s'éteignait, il allumait sa gaieté. Il remplaçait ses dents par des lazis, ses cheveux par la joie, sa santé par l'ironie. Et son œil, qui pleurait, riait sans cesse. Il était délabré, mais tout en fleurs. Sa jeunesse, pliant bagage bien avant l'âge, battait en retraite en bon ordre, éclatait de rire, et l'on n'y voyait que du feu. Il y avait eu une pièce refusée au vaudeville. Il faisait ça et là des vers quelconques. En outre, il doutait supérieurement de toute chose, grande force aux yeux des faibles. Donc, étant ironique et chauve, il était le chef. Aéron est un mot anglais qui veut dire « faire ». Serait-ce de là que viendrait ironie ? Un jour, Tholomyès prit à part les 3 autres, fit un geste d'oracle et leur dit « Il y a bientôt 1 an que Fantine, Dahlia, Zéphine et Favourite nous demandent de leur faire une surprise. Nous la leur avons promise solennellement. Elles nous en parlent toujours, à moi surtout. De même qu'à Naples, les vieilles femmes crient à Saint-Janvier « Facci a dialuta, fao miracolo !»« Face jaune, fais ton miracle !» Nos belles me disent sans cesse « Tholomyès, quand accoucheras-tu de ta surprise ?» En même temps, nos parents nous écrivent « Si des 2 côtés, le moment me semble venu, causons !» Sur ce, Tholomyès baissa la voix et articula mystérieusement quelque chose de si gai qu'un vaste et enthousiaste ricanement sortit des quatre bouches à la fois, et que Blachevelle s'écria « Ça, c'est une idée !» Un estaminet plein de fumée se présenta, ils y entrèrent, et le reste de leur conférence se perdit dans l'ombre. Le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant, les quatre jeunes gens invitant les quatre jeunes filles. Chapitre 3. 4 à 4. Ce qu'était une partie de campagne d'étudiants et de grisettes, il y a 45 ans, on se le représente malaisément aujourd'hui. Paris n'a plus les mêmes environs. La figure de ce qu'on pourrait appeler la vie circumparisienne a complètement changé depuis un demi-siècle. Où il y avait le coucou, il y a le wagon. Où il y avait la patache, il y a le bateau à vapeur. On dit aujourd'hui Fécamp, comme on disait Saint-Cloud. Le Paris de 1862 est une ville qui a la France pour banlieue. Les quatre couples accomplirent consciencieusement toutes les folies champêtres possibles alors. On entrait dans les vacances et c'était une chaude et claire journée d'été. La veille, Favourite, la seule qui sut écrire, avait écrit ceci à Tholomyès au nom des quatre. C'est une bonne heure de sortir de bonne heure. C'est pourquoi ils se levèrent à 5 heures du matin. Puis ils allèrent à Saint-Cloud par le coche, regardèrent la cascade à sec et s'écrièrent « Cela doit être bien beau quand il y a de l'eau !» Déjeunèrent à la Tête Noire où Castin n'avait pas encore passé. Se payèrent une partie de bague au quinconce du Grand Bassin, montèrent à la Lanterne de Diogène, jouèrent des macarons à la roulette du Pont de Sèvres, cueillirent des bouquets à puteaux, achetèrent des mirlitons à Neuilly, mangèrent partout des chaussons de pommes, furent parfaitement heureux. Les jeunes filles bruissaient et bavardaient comme des fauvettes échappées. C'était un délire. Elles donnaient par moments de petites tapes aux jeunes gens. Ivresse matinale de la vie. Adorables années. L'aile des libellules frissonne. Oh, qui que vous soyez, vous souvenez-vous? Avez-vous marché dans les broussailles en écartant les branches à cause de la tête charmante qui vient derrière vous? Avez-vous glissé en riant sur quelque talus mouillé par la pluie avec une femme aimée qui vous retient par la main et qui s'écrie « Ah, mes brodequins tout neufs, dans quel état ils sont !» Disons tout de suite que cette joyeuse contrariété, inondée, manqua à cette compagnie de belle humeur. Quoique Favourite eût dit en partant, avec un accent magistral et maternel, « Les limaces se promènent dans les sentiers, signe de pluie, mes enfants !» Toutes quatre étaient follement jolies. Un bon vieux poète classique, alors en renom, un bonhomme qui avait une Éléonore, monsieur le chevalier de la Bouisse, errant ce jour-là sous les marronniers de Saint-Cloud, les vit passer vers 10 heures du matin. Il s'écria « Il y en a une de trop !» songeant aux grâces. Favourite, l'amie de Blachevelle, celle de 23 ans, la vieille, courait en avant sous les grandes branches vertes, sautait les fossés, enjambant éperdument les buissons, et présidait cette gaieté avec une verve de jeune faunesse. Zéphine et Dahlia, que le hasard avait faites belles de façon qu'elles se faisaient valoir en se rapprochant et se complétaient, ne se quittaient point, par instinct de coquetterie plus encore que par amitié, et, appuyées l'une à l'autre, prenaient des poses anglaises. Les premiers keepsakes venaient de paraître, la mélancolie pointée pour les femmes, comme plus tard le byronisme pour les hommes. Et les cheveux du sexe tendre commençaient à s'éplorer. Zéphine et Dahlia étaient coiffées en rouleaux. Listolier et Fameuil, engagés dans une discussion sur leur professeur, expliquait à Fantine la différence qu'il y avait entre M. Delvincourt et M. Blondeau. Blachevelle semblait avoir été créé expressément pour porter sur son bras le dimanche le châle ternaud boiteux de Favourite. Tholomyès suivait, dominant le groupe. Il était très gai, mais on sentait en lui le gouvernement. Il y avait de la dictature dans sa jovialité. Son ornement principal était un pantalon jambes d'éléphant en nankin avec sous-pied de tresse de cuivre. Il avait un puissant rotin de 200 francs à la main et, comme il se permettait tout, une chose étrange appelée cigare à la bouche. Rien n'étant sacré pour lui, il fumait. « Ce Tholomyès est étonnant !» disaient les autres avec vénération. « Quel pantalon ! Quelle énergie !» Quant à Fantine, c'était la joie. Ses dents splendides avaient évidemment reçu de Dieu une fonction, le rire. Elle portait à sa main, plus volontiers que sur sa tête, son petit chapeau de paille cousu aux longues brides blanches. Ses épais cheveux blonds, enclins à flotter et facilement dénoués et qu'il fallait rattacher sans cesse, semblaient faits pour la fuite de Galatée sous les saules. Ses lèvres roses babillaient avec enchantement. Les coins de sa bouche, voluptueusement relevés, comme aux mascarons antiques des rigones, avaient l'air d'encourager les audaces. Mais ses longs cils pleins d'ombre s'abaissaient discrètement sur ce brouhaha du bas du visage, comme pour mettre le holà. Toute sa toilette avait on ne sait quoi de chantant et de flambant. Elle avait une robe de barège mauve, de petits souliers cothurnes mordorés, dont les rubans traçaient des X sur son fin bas blanc à jour. Et cette espèce de spencer en mousseline, invention marseillaise, dont le nom, canezou, corruption du mot 15 août, prononcé à la canebière, signifie beau temps, chaleur et midi. Les trois autres, moins timides, nous l'avons dit, étaient décolletés tout net, ce qui l'était, sous des chapeaux couverts de fleurs, à beaucoup de grâce et d'agacerie. Mais, à côté de ces ajustements hardis, le canezou de la blonde Fantine, avec ses transparences, ses indiscrétions et ses réticences, cachant et montrant à la fois, semblait une trouvaille provocante de la décence. Et la fameuse cour d'amour, présidée par la comtesse de Sète aux yeux verts de mer, eût peut-être donné le prix de la coquetterie à ce canezou qui concourait pour la chasteté. Le plus naïf et quelquefois le plus savant, cela arrive. Éclatante de face, délicate de profil, les yeux d'un bleu profond, les paupières grasses, les pieds cambrés et petits, les poignets et les chevilles admirablement emboîtés, la peau blanche, laissant voir çà et là les arborescences azurées des veines, la joue puérile et fraîche, le cou robuste des junons et génétiques, la nuque forte et souple, les épaules modelées comme par Coustou, ayant au centre une voluptueuse fossette visible à travers la mousseline, une gaieté glacée de rêverie, sculpturale et exquise. Telle était Fantine, et l'on devinait sous ses chiffons une statue, et dans cette statue, une âme. Fantine était belle, sans trop le savoir. Les rares songeurs, prêtres mystérieux du beau, qui confrontent silencieusement toute chose à la perfection, eussent entrevu en cette petite ouvrière, à travers la transparence de la grâce parisienne, l'antique euphonie sacrée. Cette fille de l'ombre avait de la race. Elle était belle sous les deux espèces, qui sont le style et le rythme. Le style est la forme de l'idéal,

une triomphante montagne de bouquets mêlés à des chapeaux d'hommes et de femmes. À l'autre, les quatre couples attablés, autour d'un joyeux encombrement de plats, d'assiettes, de verres et de bouteilles. Des cruchons de bière mêlés à des flacons de vin. Peu d'ordre sur la table. Quelques désordres dessous. Il faisait sous la table un bruit, un tric-trac de pieds épouvantables, dit Molière. Voilà où on en était vers 4h30 du soir. La bergerade commençait à 5h du matin. Le soleil déclinait, l'appétit s'éteignait. Les Champs-Élysées, pleins de soleil et de foule, n'étaient que lumière et poussière, deux choses dont se compose la gloire. Les chevaux de Marly, ces marbres hennissants, se cabraient dans un nuage d'or. Les carrosses allaient et venaient. Un escadron de magnifiques gardes du corps, clairons en tête, descendait l'avenue de Neuilly. Le drapeau blanc, vaguement rose au soleil couchant, flottait sur le dôme des Tuileries. La place de la Concorde, redevenue alors place Louis XV, regorgeait de promeneurs contents. Beaucoup portaient la fleur de lys d'argent suspendue au ruban blanc moiré qui, en 1817, n'avait pas encore tout à fait disparu des boutonnières. Ça et là, au milieu des passants, faisant cercle et applaudissant, des rondes de petites filles jetaient au vent une bourrée bourbonienne alors célèbre, destinée à foudroyer les cent-jours, et qui avait pour ritournelle « Rendons-nous notre père de gants, rendez-nous notre père !» Des tas de faubouriens endimanchés, parfois même fleurdelysés comme les bourgeois, épars dans le Grand Carré et dans le Carré Marigny, jouaient aux bagues et tournaient sur les chevaux de bois. D'autres buvaient. Quelques-uns, apprentis imprimeurs, avaient des bonnets de papier. On entendait leur rire. Tout était radieux. C'était un temps de paix incontestable et de profonde sécurité royaliste. C'était l'époque où un rapport intime et spécial du préfet de police anglaise au roi sur les faubourgs de Paris se terminait par ces lignes. Tout bien considéré, sire, il n'y a rien à craindre de ces gens-là. Ils sont insouciants et indolents comme des chats. Le bas peuple des provinces est remuant. Celui de Paris ne l'est pas. Ce sont tous petits hommes, sire. Il en faudrait deux bout à bout pour faire un de vos grenadiers. Il n'y a point de crainte du côté de la populace de la capitale. Il est remarquable que la taille a encore décru dans cette population depuis 50 ans. Et le peuple des faubourgs de Paris est plus petit qu'avant la Révolution. Il n'est point dangereux. En somme, c'est de la canaille bonne. Qu'un chat puisse se changer en lion, les préfets de police ne le croient pas possible. Cela est pourtant, et c'est là le miracle du peuple de Paris. Le chat, d'ailleurs, si méprisé du comte anglais, avait l'estime des républiques antiques. Il incarnait à leurs yeux la liberté. Et comme pour servir de pendant à la Minerve Aptère du Pirée, il y avait sur la place publique de Corinthe le colosse de bronze d'un chat. La police naïve de la Restauration voyait trop en beau le peuple de Paris. Ce n'est point, autant qu'on le croit, de la canaille bonne. Le Parisien est au Français ce que l'Athénien était au Grec. Personne ne dort mieux que lui. Personne n'est plus franchement frivole et paresseux que lui. Personne mieux que lui n'a l'air d'oublier. Qu'on ne s'y fie pas pourtant. Il est propre à toutes sortes de nonchalances, mais quand il y a de la gloire au bout, il est admirable à toute espèce de furie. Donnez-lui une pique, il fera le 10 août. Donnez-lui un fusil, vous aurez Austerlitz. Il est le point d'appui de Napoléon et la ressource de Danton.

sagesse de Tholomyès. Cependant, tandis que quelques-uns chantaient, les autres causaient tumultueusement, et tous ensemble. Ce n'était plus que du bruit. Tholomyès intervint. « Ne parlons point au hasard ni trop vite, » s'écria-t-il. « Méditons si nous voulons être éblouissants. Trop d'improvisation vide bêtement l'esprit. Bière qui coule n'amasse point de mousse. Messieurs, pas de hâte. Mêlons la majesté à la ripaille. Mangeons avec recueillement. Festinons lentement. Ne nous pressons pas. Voyez le printemps. S'il se dépêche, il est flambé, c'est-à-dire gelé. L'excès de zèle perd les pêchers et les abricotiers. L'excès de zèle tue la grâce et la joie des bons dîners. Pas de zèle, messieurs. Grimaud de la Reynière et de la vie de Talleyrand. » Une sourde rébellion gronda dans le groupe. « Tholomyès, laisse-nous tranquilles !» dit Blachevelle. « À bas le tyran !» dit Fameuil. « Bombarda, bombance et bamboche !» cria Listolier. « Le dimanche existe !» reprit Fameuil. « Nous sommes sobres !» ajouta Listolier. « Tholomyès, fit Blachevelle, contemple mon calme. « Tu en es le marquis, répondit Tholomyès. Ce médiocre jeu de mots fit l'effet d'une pierre dans une mare. Le marquis de Montcalm était un royaliste alors célèbre. Toutes les grenouilles se turent. « Ami, s'écria Tholomyès, de l'accent d'un homme qui ressaisit l'Empire, remettez-vous. Il ne faut pas que trop de stupeur accueille ce calembour tombé du ciel. Tout ce qui tombe de la sorte n'est pas nécessairement digne d'enthousiasme et de respect. Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Le lazzi tombe n'importe où, et l'esprit, après la ponte d'une bêtise, s'enfonce dans l'azur. Une tache blanchâtre qui s'aplatit sur le rocher n'empêche pas le condor de planer. Loin de moi l'insulte au calembour, je l'honore dans la proportion de ses mérites, rien de plus. Tout ce qu'il y a de plus auguste, de plus sublime et de plus charmant dans l'humanité, et peut-être hors de l'humanité, a fait des jeux de mots. Jésus-Christ a fait un calembour sur Saint-Pierre, Moïse sur Isaac, Échille sur Polynice, Cléopâtre sur Octave. Et notez que ce calembour de Cléopâtre a précédé la bataille d'Actium, et que sans lui, personne ne se souviendrait de la ville de Taurine, nom grec qui signifie « cuillère à peau ». Cela concédé, je reviens à mon exhortation. Mes frères, je le répète, pas de zèle, pas de tohu-bohu, pas d'excès, même en pointe, gailleté, liesse et jeu de mots. Écoutez-moi. J'ai la prudence d'Amphiaraüs et la calvitie de César. Il faut une limite, même au rébus. Est modus in rebus. Il faut une limite, même au dîner. Vous aimez les chaussons aux pommes, mesdames. N'en abusez pas. Il faut, même en chaussons, du bon sens et de l'art. La gloutonnerie châtie le glouton. Gula punit Gulax. L'indigestion est chargée par le bon Dieu de faire de la morale aux estomacs. Et retenez ceci. Chacune de nos passions, même l'amour, a un estomac qu'il ne faut pas trop remplir. En toute chose, il faut écrire à temps le mot « fini ». Il faut se contenir. Quand cela devient urgent, tirer le verrou sur son appétit, mettre au violon sa fantaisie et se mener soi-même au poste. Le sage est celui qui sait, à un moment donné, opérer sa propre arrestation. Ayez quelque confiance en moi, parce que j'ai fait un peu mon droit à ce que me disent mes examens, parce que je sais la différence qu'il y a entre la question mue et la question pendante, parce que j'ai soutenu une thèse en latin sur la manière dont on donnait la torture à Rome, au temps où Munatius Demens était questeur du parricide. Parce que je vais être docteur, à ce qu'il paraît. Il ne s'ensuit pas de toute nécessité que je sois un imbécile. Je vous recommande la modération dans vos désirs. Vrai, comme je m'appelle Félix Tholomyès, je parle bien. Heureux celui qui, lorsque l'heure a sonné, prend un parti héroïque et abdique comme Sylla ou Origène. Favourite écoutait avec une attention profonde. « Félix, dit-elle, quel joli mot, j'aime ce nom-là. C'est en latin, ça veut dire prospère. » Tholomyès poursuivit. « Quirite, gentlemen, caballeros, mes amis, voulez-vous ne sentir aucun aiguillon et vous passer de lit nuptial et braver l'amour ? Rien de plus simple. Voici la recette. La limonade, l'exercice outré, le travail forcé, éreintez-vous, traînez des blocs, ne dormez pas, veillez, gorgez-vous de boissons nitreuses et de tisanes de nymphéas, savourez des émulsions de pavot et d'anus castus. Assaisonnez-moi cela d'une diète sévère, crevez de faim, et joignez-y les bains froids, les ceintures d'herbe, l'application d'une plaque de plomb, les lotions avec la liqueur de Saturne et les fomentations avec l'oxycra. « J'aime mieux une femme, » dit l'istolier. « La femme, » reprit Tholomyès, « méfiez-vous-en. Malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme. La femme est perfide et tortueuse. » Elle déteste le serpent par jalousie de métier. Le serpent, c'est la boutique en face. Tholomyès, cria Blachevelle, tu es ivre. Pardieu, dit Tholomyès. Alors sois gai, reprit Blachevelle. J'y consens, répondit Tholomyès. Et remplissant son verre, il se leva. Gloire au vin. Nunc te. Paquet canam. Pardon, mesdemoiselles, c'est de l'espagnol. Et la preuve, señoras, la voici. Tel peuple, telle futaille. La robe de Gastille contient 16 litres. Le cantaro d'Alicante, 12. L'almule des Canaries, 25. Le cuartin des Baléares, 26. La botte du tsar, Pierre, 30. Vive ce tsar qui était grand! Et vive sa botte, qui était plus grande encore. Mesdames, un conseil d'amis. Trompez-vous de voisin, si bon vous semble. Le propre de l'amour, c'est d'errer. L'amourette n'est pas faite pour s'accroupir et s'abrutir comme une servante anglaise qui a le calus du scrobage au genou. Elle n'est pas faite pour cela. Elle erre gaiement, la douce amourette. On a dit, l'erreur est humaine. Moi, je dis... L'erreur est amoureuse. Mesdames, je vous idolâtre toutes. Ô Zéphine, ô Joséphine, figure plus que chiffonnée, vous seriez charmante si vous n'étiez de travers. Vous avez l'air d'un joli visage sur lequel, par mégarde, on s'est assis. Quant à Favourite, ô nymphes et muses, un jour que Blachevelle passait le ruisseau de la rue Guérin-Boisseau, il vit une belle fille au bas blanc et bien tirée qui montrait ses jambes. Ce prologue lui plut et Blachevelle aima. Celle qu'il aima était Favourite. Oh, Favourite, tu as des lèvres ioniennes. Il y avait un peintre grec appelé Euphorion, qu'on avait surnommé le peintre des lèvres. Ce grec seul eût été digne de peindre ta bouche. Écoute. Avant toi, il n'y avait pas de créature digne de ce nom. Tu es faite pour recevoir la pomme comme Vénus ou pour la manger comme Ève. La beauté commence à toi. Je viens de parler d'Ève, c'est toi qui l'as créée. Tu mérites le brevet d'invention de la jolie femme. Ô Favourite, je cesse de vous tutoyer parce que je passe de la poésie à la prose. Vous parliez de mon nom tout à l'heure. Cela m'a attendri. Mais, qui que nous soyons, Méfions-nous des noms, ils peuvent se tromper. Je me nomme Félix et ne suis pas heureux. Les mots sont des menteurs. N'acceptons pas aveuglément les indications qu'ils nous donnent. Ce serait une erreur d'écrire à Liège pour avoir des bouchons et à Pau pour avoir des gants. Miss Dahlia, à votre place, je m'appellerai Rosa. Il faut que la fleur sente bon et que la femme ait de l'esprit. Je ne dis rien de Fantine, c'est une songeuse, une rêveuse, une pensive, une sensitive. C'est un fantôme ayant la forme d'une nymphe et la pudeur d'une nonne, qui se fourvoie dans la vie de grisette, mais qui se réfugie dans les illusions, et qui chante, et qui prie, et qui regarde l'azur sans trop savoir ce qu'elle voit ni ce qu'elle fait, et qui, les yeux au ciel, erre dans un jardin où il y a plus d'oiseaux qu'il n'en existe. Oh, Fantine, sache ceci. Moi, Tholomyès, je suis une illusion. Mais elle ne m'entend même pas, la blonde fille des chimères. Du reste, tout en elle est fraîcheur, suavité, jeunesse, douce clarté matinale. Oh, Fantine, fille digne de vous appeler Marguerite ou Perle, vous êtes une femme du plus bel Orient. Mesdames, un deuxième conseil. Ne vous mariez point. Le mariage est une greffe, cela prend bien ou mal. Fuyez ce risque. Mais bah, qu'est-ce que je chante là? Je perds mes paroles. Les filles sont incurables sur l'épousaille. Et tout ce que nous pouvons dire, nous autres sages, n'empêchera point les giletières et les piqueuses de bottines de rêver des maris enrichis de diamants. Enfin, soit. Mais, belle, retenez ceci. Vous mangez trop de sucre. Vous n'avez qu'un tort, ô femme, c'est de grignoter du sucre. Ô sexe rongeur, tes jolies petites dents blanches adorent le sucre. Or, écoutez bien, le sucre est un sel. Tout sel est desséchant. Le sucre est le plus desséchant de tous les sels. Il pompe à travers les veines les liquides du sang. De là la coagulation, puis la solidification du sang. De là les tubercules dans le poumon. De là la mort. Et c'est pourquoi le diabète confine à la phtisie. Donc, ne croquez pas de sucre et vous vivrez. Je me tourne vers les hommes. Messieurs, faites des conquêtes. Pillez-vous les uns aux autres sans remords, vos bien-aimés. Chassez, croisez. En amour, il n'y a pas d'amis. Partout où il y a une jolie femme, l'hostilité est ouverte. Pas de quartier, guerre à outrance. Une jolie femme est un casus belli. Une jolie femme est un flagrant délit. Toutes les invasions de l'histoire sont déterminées par des cotillons. La femme est le droit de l'homme. Romulus a enlevé les Sabines, Guillaume a enlevé les Saxonnes, César a enlevé les Romaines. L'homme qui n'est pas aimé plane comme un vautour sur les amantes d'autrui. Et quant à moi, à tous ces infortunés qui sont veufs, je jette la proclamation sublime de Bonaparte à l'armée d'Italie. Soldats, vous manquez de tout. L'ennemi en a. Tholomyès s'interrompit. Souffle, Tholomyès, dit Blachevelle. En même temps, Blachevelle, appuyé de listolier et de Farmeuil, entonna sur un air de complainte une de ces chansons d'atelier composées des premiers mots venus, rimées richement et pas du tout, vides de sens, comme le geste de l'arbre et le bruit du vent, qui naissent de la vapeur des pipes et se dissipent et s'envolent avec elles. Voici par quel couplet le groupe donna la réplique à la harangue de Tholomyès. Les pères d'un don donnèrent de l'argent à un agent pour que mon Clermont-Tonnerre fût fait pape à la Saint-Jean. mais Clermont ne put pas être, fait pape n'étant pas prêtre. Alors leur agent rageant leur rapporta leur argent. Ceci n'était pas fait pour calmer l'improvisation de Tholomyès. Il vida son verre, le remplit et recommença. Ah bah la sagesse! Oubliez tout ce que j'ai dit. Ne soyons ni prudes, ni prudents, ni prud'hommes. Je porte un toast à l'allégresse. Soyons allègres. Complétons notre cours de droit par la folie et la nourriture. Indigestion et digeste. Que Justinien soit le mâle et que Ripaille soit la femelle. Joie dans les profondeurs. Vie, ô création. Le monde est un gros diamant. Je suis heureux. Les oiseaux sont étonnants. Quelle fête partout. Le rossignol est un Eleviou gratis. Été, je te salue. Ô Luxembourg, ô Georgique de la rue Madame et de l'allée de l'Observatoire, ô Piou-Piou rêveur, ô toutes ces bonnes charmantes qui, tout en gardant des enfants, s'amusent à en ébaucher. Les pampas de l'Amérique me plairaient si je n'avais les arcades de l'Odéon. Mon âme s'envole dans les forêts vierges et dans les savanes. Tout est beau. Les mouches bourdonnent dans les rayons. Le soleil a éternué le colibri. Embrasse-moi, Fantine. Il se trompa et embrassa Favourite. Chapitre 8. Mort d'un cheval. « On dîne mieux chez Edon que chez Bombarda, » s'écria Zéphine. « Je préfère Bombarda à Edon, » déclara Blachevel. « Il a plus de luxe, c'est plus asiatique. Voyez la salle d'en bas, il y a des glaces sur les murs. »« J'en aime mieux dans mon assiette, » dit Favourite. Blachevel insista. « Regardez les couteaux, les manches sont en argent chez Bombarda. » Et en os chez Edon. Or, l'argent est plus précieux que l'os. Excepté pour ceux qui ont un menton d'argent, observa Tholomyès. Il regardait en cet instant-là le dôme des Invalides, visible des fenêtres de Bombarda. Il y eut une pause. Tholomyès, cria Fameuil, tout à l'heure, Listolier et moi, nous avions une discussion. « Une discussion est bonne, » répondit Tholomyès. « Une querelle vaut mieux. »« Nous disputions philosophie. »« Soit. »« Lequel préfères-tu, de Descartes ou de Spinoza ?»« Des Augiers, » dit Tholomyès. Cet arrêt rendu, il but et reprit. « Je consens à vivre. » Tout n'est pas fini sur la terre, puisqu'on peut encore déraisonner. J'en rends grâce aux dieux immortels. On ment, mais on rit. On affirme, mais on doute. L'inattendu jaillit du syllogisme. C'est beau. Il est encore ici-bas des humains qui savent joyeusement ouvrir et fermer la boîte à surprise du paradoxe. Ceci, mesdames, que vous buvez d'un air tranquille, est du vin de Madère, sachez-le, du cru de Coural das Freiras, qui est à 317 toises au-dessus du niveau de la mer. Attention en buvant. 317 toises. Et Monsieur Bombarda, le magnifique restaurateur, vous donne ces 317 toises pour 4 francs 50 centimes. Fameuil interrompit de nouveau. Tholomyès, tes opinions font loi. Quel est ton auteur favori? Ben... Quin? Non, Chou. Et Tholomyès poursuivit. Honneur à Bombarda. Il égalerait Munophis d'Elephanta s'il pouvait me cueillir une almée, et Tigélion de Chéroné s'il pouvait m'apporter une étaïre. Car, oh, mesdames, il y avait des Bombarda en Grèce et en Égypte. C'est Apulée qui nous l'apprend. Hélas, toujours les mêmes choses et rien de nouveau. Plus rien d'inédit dans la création du Créateur. Nib sub sole novum, dit Salomon. Amor omnibus idem, dit Virgile. et Carabine monte avec Carabin dans la galiote de Saint-Cloud, comme Aspasie s'embarquait avec Périclès sur la flotte de Samos. Un dernier mot. Savez-vous ce que c'était qu'Aspasie, mesdames ? Quoiqu'elle vécût dans un temps où les femmes n'avaient pas encore d'âme, c'était une âme d'une nuance rose et pourpre, plus embrasée que le feu, plus fraîche que l'aurore. Aspasie était une créature en qui se touchaient les deux extrêmes de la femme. C'était la prostituée déesse. Socrate plus Manon Lescaut. Aspasie fut créée pour le cas où il faudrait une catin à Prométhée. Tholomyès, lancé, se serait difficilement arrêté si un cheval ne se fût abattu sur le quai en cet instant-là même. Du choc, la charrette et l'orateur restèrent courts. C'était une jument beauceronne, vieille et maigre et digne de l'écarisseur, qui traînait une charrette fort lourde. Parvenue devant Bombarda, la bête, épuisée et accablée, avait refusé d'aller plus loin. Cet incident avait fait de la foule. À peine le charretier, jurant et indigné, avait-il eu le temps de prononcer avec l'énergie convenable le mot sacramentel « matin », appuyé d'un implacable coup de fouet, que la haridelle était tombée pour ne plus se relever. Au brouhaha des passants, les gais auditeurs de Tholomyès tournèrent la tête. Et Tholomyès en profita pour clore son allocution par cette strophe mélancolique. Elle était de ce monde où couscous et carrosse ont le même destin. Et Ross, elle a vécu ce que vivent les Ross, l'espace d'un matin. Pauvre cheval, soupira Fantine. Et Dahlia s'écria, voilà Fantine qui va se mettre à plaindre les chevaux. Peut-on être fichu bête comme ça? En ce moment, Favourite, croisant les bras et renversant la tête en arrière, regarda résolument Tholomyès et dit « Ah, ça! Et la surprise !» « Justement, l'instant est arrivé, répondit Tholomyès. Messieurs, l'heure de surprendre ces dames a sonné. Mesdames, attendez-nous un moment. » « Cela commence par un baiser, dit Blachevelle. « Sur le front, » ajouta Tholomyès. Chacun déposa gravement un baiser sur le front de sa maîtresse. Puis ils se dirigèrent vers la porte, tous les quatre à la file, en mettant leurs doigts sur la bouche. Favourite battit des mains à leur sortie. « C'est déjà amusant, » dit-elle. « Ne soyez pas trop longtemps, » murmura Fantine. « Nous vous attendons. » Chapitre 9. Fin joyeuse de la joie. Les jeunes filles, restées seules, s'accoudèrent deux à deux sur l'appui des fenêtres, jasant, penchant leurs têtes et se parlant d'une croisée à l'autre. Elles virent les jeunes gens sortir du cabaret Bombarda, bras dessus, bras dessous. Ils se retournèrent, leur firent des signes en riant et disparurent dans cette poudreuse cohue du dimanche qui envahit hebdomadairement les Champs-Élysées. « Ne soyez pas longtemps !» cria Fantine. « Que vont-ils nous rapporter ?» dit Zéphine. « Pour sûr, ce sera joli !» dit Dahlia. « Moi, reprit Favourite, je veux que ce soit en or. » Elles furent bientôt distraites par le mouvement du bord de l'eau qu'elles distinguaient dans les branches des grands arbres et qui les divertissaient fort. C'était l'heure du départ des malle-poste et des diligences. Presque toutes les messageries du Midi et de l'Ouest passaient alors par les Champs-Élysées. La plupart suivaient le quai et sortaient par la barrière de Passy. De minute en minute, quelques grosses voitures peintes en jaune et en noir, pesamment chargées, bruyamment attelées, difformes à force de malles, de bâches et de valises, pleine de têtes tout de suite disparues, broyant la chaussée, changeant tous les pavés en briquets, se ruaient à travers la foule avec toutes les étincelles d'une forge, de la poussière pour fumer, et un air de furie. Ce vacarme réjouissait les jeunes filles. Favourite s'exclamait. « Quel tapage ! On dirait des tas de chênes qui s'envolent !» Il arriva une fois qu'une de ces voitures qu'on distinguait difficilement dans l'épaisseur des ormes s'arrêta un moment, puis repartit au galop. Cela étonna Fantine. « C'est particulier, » dit-elle. « Je croyais que la diligence ne s'arrêtait jamais. » Favourite haussa les épaules. « Cette Fantine est surprenante. Je viens la voir par curiosité. Elle s'éblouit des choses les plus simples. Une supposition. Je suis un voyageur. Je dis à la diligence, « Je vais en avant, vous me prendrez sur le quai en passant. » La diligence passe, me voit, s'arrête et me prend. Cela se fait tous les jours. Tu ne connais pas la vie, ma chère. » Un certain temps s'écoula ainsi. Tout à coup, Favourite eut le mouvement de quelqu'un qui se réveille. « Eh bien, » fit-elle, « et la surprise ?»« À propos, oui, » reprit Dahlia, « la fameuse surprise. »« Ils sont bien longtemps, » dit Fantine. Comme Fantine achevait ce soupir, le garçon qui avait servi le dîner entra. Il tenait à la main quelque chose qui ressemblait à une lettre. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Favourite. Le garçon répondit, « C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames. »« Pourquoi ne l'avoir pas apporté tout de suite ?»« Parce que ces messieurs, » reprit le garçon, « ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'une heure. » Favourite arracha le papier des mains du garçon. C'était une lettre, en effet. « Tiens, » dit-elle, « il n'y a pas d'adresse. Mais voici ce qui est écrit dessus. Ceci est la surprise. » Elle décacheta vivement la lettre, l'ouvrit et lut. Elle savait lire. « Oh, nos amantes, sachez que nous avons des parents. Des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça. Ça s'appelle des pères et mères dans le code civil, puéril et honnête. Or, ces parents gémissent, ces vieillards nous réclament, ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues. Ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux. Nous leur obéissons, étant vertueux. À l'heure où vous lirez ceci, saint chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et à nos mamans. Nous fichons le camp, comme dit Bossuet. Nous partons. Nous sommes partis. Nous fuyons dans les bras de Laffitte et sur les ailes de Gaillard. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme, et l'abîme, c'est vous. Oh, nos belles petites, nous rentrons dans la société, dans le devoir et dans l'ordre, au grand trot, à raison de 3 lieues à l'heure. Il importe à la patrie que nous soyons comme tout le monde, préfets, pères de famille, gardes champêtres et conseillers d'État. Vénérez-nous, nous nous sacrifions. Pleurez-nous rapidement et remplacez-nous vite. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui. Adieu. Pendant près de 2 ans, nous vous avons rendu heureuse. Ne nous en gardez pas rancune. Signé Blachevel, Fameuil, Listolier, Félix Tholomyès. Post-scriptum. Le dîner est payé. Les 4 jeunes filles se regardèrent. Favourite rompit la première le silence. « Eh bien, » s'écria-t-elle, « c'est tout de même une bonne farce. » « C'est très drôle, » dit Zéphine. « Ce doit être Blachevel qui a eu cette idée-là, » reprit Favourite. « Ça me rend amoureuse de lui. Sitôt parti, sitôt aimé. Voilà l'histoire. » « Non, » dit Dahlia, « c'est une idée de Tholomyès. Ça se reconnaît. » « En ce cas, » reprit Favourite, « mort à Blachevel et vive Tholomyès. »« Vive Tholomyès !» crièrent Dahlia et Zéphine. Et elles éclatèrent de rire. Fantine rit comme les autres. Une heure après,